J'aimerais t'en vouloir, te dire d'aller te faire voir, t'empêcher de revenir encore, me dire que c'est fini encore, t'empêcher de revenir toujours, me dire que c'est fini pour toujours. J'aimerais tant t'en vouloir, te laisser seul en plein boulevard, pleurer la tristesse d'une mousson, des mains sur ton visage en perdition, sale et désarmé, sale et désaimé comme je suis, sale et désaimé comme je suis, sale et désaimé, sale et désaimé, sale et désaimé, sale et désaimé, sale et désaimé, sale et désaimé, sale et désaimé, sale et désaimé. J'aimerais tant t'en vouloir, gronder, même crier mes désespoirs, que tu sentes comme il m'écœure, que tu sentes ces océans cracher sur mon cœur, comme des capés violemment aux carcheurs. J'aimerais tant t'en vouloir, que tu saches à quel point il fait noir, que chaque jour est un deuil,